Ce fut une affreuse nuit. À 2 heures du matin, la pluie commença à tomber, une pluie torrentielle que les nuages orageux versèrent jusqu'au jour. Enfin, le jour parut. La pluie cessa. Glenarvan s'occupa du chariot tout d'abord. Il se trouvait embourbé au milieu d'une vaste dépression du sol, dans une glaise tenace. Ayrton s'étonna de ne plus rencontrer les chevaux et les bœufs à l'endroit où il les avait conduits. Une heure se passa, dans de vaines recherches, et Glenarvan allait retourner au chariot, distant d'un mobile, quand un hennissement frappa son oreille. Un beuglement se fit entendre presque aussitôt. « Ils sont là !» s'écria John Mangles. Glenarvan, Mulrady et Ayrton se lancèrent sur ses traces et partagèrent bientôt sa stupéfaction. Deux bœufs et 3 chevaux gisaient sur le sol, foudroyés comme les autres. « Ayrton, amenez le bel cheval qui reste. Il faudra bien qu'il nous tire d'affaire, » dit Lord Glenarvan. Ce cheval était le seul dont le maréchal Ferrand avait changé les fers. Et l'on revint en suivant les bords sinueux de la rivière Snowy. Ayrton et les 2 matelots travaillèrent à arracher le chariot de sa vaste ornière. Le bœuf et le cheval attelaient côte à côte, tiraient de toute la force de leurs muscles, mais le lourd véhicule ne bougeait pas. La glaise, déjà sèche, le retenait comme s'il eût été scellé dans du ciment hydraulique. Il fallait renoncer à le tirer de la fondrière. « Maintenant, mes amis des Glenarvan, retournons au campement, délibérons, examinons la situation. » Il fut alors décidé d'aller à la côte sans tarder, à Eden. Mais, faisant prendre en compte les difficultés et la longueur de la route à faire, Ayrton finit par convaincre Glenarvan de lui confier une lettre pour Tom Austin. « Eh bien, partez, Ayrton, » dit Glenarvan. « Faites diligence et revenez par Eden à notre campement de la Snowy. » Le quartier-maître fit donc ses préparatifs de départ. Pendant ce temps, Glenarvan écrivait la lettre destinée à Tom Austin. Tom Austin, arrivé à la côte, devait mettre un détachement des matelots du yacht sous les ordres d'Ayrton. Glenarvan en était à ce passage de sa lettre quand Manaps, qui le suivait des yeux, lui demanda d'un ton singulier comment il écrivait le nom d'Ayrton. « Mais comme il se prononce ?» répondit Glenarvan. « C'est une erreur, » reprit tranquillement le major. « Il se prononce Ayrton, mais il s'écrit Ben Joyce. »